Le comité central du Parti du Travail de Corée a lancé le 18 un communiqué sur la fin victorieuse de la campagne de 200 jours. En voici le résumé. La campagne de 200 jours, commencée le 1er juin dernier par la mobilisation générale de tous les militaires et civils à l'appel militant du parti, est terminée le 15 décembre avec succès. Il s'agissait de la campagne de tout le peuple pour ouvrir l'offensive successive et appliquer à tout prix l'esprit du 7e congrès du parti et faire de 2016 significatif l'âge d'or de la révolution à partir de la victoire remportée dans l'historique campagne de 70 jours. C'était aussi la campagne pour créer la capacité de se renforcer soi-même et la vitesse de maniement sans précédent. Le vrai combat pour remettre en état les régions septentrionales de la province du Hamgyong du Nord, victimes des déluges jamais vus dans l'histoire, s'est déroulé en faisant appel à tous les potentiels humains, matériels et techniques du pays. Par ailleurs, tous les secteurs ont atteint des objectifs ambitieux avant terme dans le cadre de la campagne de 200 jours, ce qui est un événement miraculeux et majestueux démontrant la puissance de la Corée du Tsé et la profondeur illimitée de sa capacité. Tous les travaux de nos militaires et civils pour la victoire de la campagne de 200 jours n'ont point été effectués facilement et dans la situation paisible. Nos militaires et civils imprégnés de l'esprit d'offensive indomptable du Pertou et de la primauté de la capacité de se renforcer soi-même s'étaient dressés farchement pour remporter des succès éblouissants dans tous les secteurs de la campagne de 200 jours afin de faire un rapport empreint de la fidélité au général Kim Jong-il en décembre, plein de regrets envers lui. La réalité fière de la Corée du Tsé obtenue majestueusement au sommet de la victoire en écartant toutes les difficultés montre avec éloquence que malgré les réactionnaires impérialistes qui remuent ciel et terre, nul ne peut voiler ni la véracité ni la vitalité du socialisme et que la victoire de la cause d'indépendance des masses populaires, cause socialiste, est une science. En effet, l'historique campagne de 200 jours sera gravée à jamais dans l'histoire de notre parti et les annales de la patrie. Toujours avancer et effectuer l'offensive successive pour une nouvelle victoire sans se laisser griser des succès, c'est la tradition fière et la manière de lutte invariable de la révolution coréenne. L'an 106 du Juche 2017, année de grand événement heureux national, célébrant le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, appelle tous les militaires et civils à l'œuvre pour de nouveaux espoirs et luttes. Notre parti est sûr que tous les militaires de l'armée populaire et civile redoubleront de courage avec le moral des vainqueurs dans la campagne de 200 jours pour créer de plus grands succès miraculeux en 106 du juillet 2017, deuxième année significative de la stratégie quinquennale pour le développement de l'économie nationale présentée par le 7e congrès du parti et marquer un grand tournant dans l'édification d'une puissance socialiste.